ويتوكل الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سجيش أخفاء que le fait de vivre Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des plus hauts degrés de la foi. Et la personne n'aura pas complété sa foi tant qu'elle n'aimera pas les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans aucun doute, celui qui mérite le plus d'être aimé pour Allah est le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous informe dans le Coran qu'il l'a envoyé en tant que témoin, annonciateur et avertisseur. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: il n'y a aucun chemin qui mène au bonheur et au succès dans ce bas monde ni dans l'au-delà, si ce n'est en empruntant le chemin des messagers. Et personne ne pourra distinguer le bien du mal en détail, si ce n'est en empruntant leur chemin. Personne ne pourra atteindre l'agrément d'Allah si ce n'est en suivant le chemin des prophètes. Donc, le besoin devant lesquels sont les gens devant sa connaissance, le besoin pour les gens de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus immense que le besoin du corps de son âme. Nous avons plus besoin de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'a besoin notre corps de notre âme et l'œil de sa lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit: si vos pères, vos enfants, vos frères et vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez, le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers et plus aimés qu'Allah et son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son âme. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Dans ce verset, Allah menace toute personne qui a fait devancer l'amour de ce bas monde et des habitants de ce bas monde devant l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne sera véritablement croyant tant qu'il ne mènera pas plus que ses parents, que ses enfants et ensemble des gens, comme cela nous dit. C'est cela que nous a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous devons aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que nos propres personnes, plus que nos parents, nos enfants, nos épouses et l'ensemble de ceux que contient ce bas monde? Nous devons l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam, car Allah l'a aimé. Et il l'a élevé au plus haut degré de l'amour, tout comme il avait aimé auparavant Ibrahim alayhi salam. Nous devons l'aimer, car c'est la créature qui a eu le meilleur comportement et les plus nobles caractères. Il était bon envers l'ensemble des gens. Et son bien a même touché les mécréants, ainsi que les animaux. Nous devons l'aimer, car c'est la créature qui a réalisé et parfait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a adoré Allah de la meilleure façon. Nous devons l'aimer, car par sa cause, Allah nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière et nous a fait connaître l'islam. Nous devons l'aimer, car Allah l'a élevé et il lui a accordé le message en appelant prophète un messager. Nous devons l'aimer, car il vous a aimé, car il nous a aimé, il a aimé sa communauté, et il avait de la miséricorde envers nous, et il était motivé pour nous montrer le bon chemin afin qu'on s'éloigne du feu de l'enfer. Allah dit dans le Coran: certains messagers pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et parmi ceux qui nous montrent de la meilleure manière la douceur et la miséricorde qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté, le hadith de Abdullah ibn Amr, dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à réciter le Coran, où Ibrahim dit: ô mon Seigneur, ils ont égaré c'est-à-dire les idoles. Les idoles ont égaré beaucoup de gens. Celui donc qui me suit fait partie de moi. Et celui qui me désobéit, c'est certes toi, le pardonneur et le miséricordieux. Ensuite, il récita la parole de Isa, alayhi salam. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs, tes esclaves. Et si tu les pardonnes, c'est toi, certes, le puissant et le sage. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains vers Allah et a dit, ma communauté, oh Allah, sur ma communauté. Ma communauté. Et il s'est mis à pleurer, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah envoie Jibril. Oh Jibril, va voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et demande-lui ce qui l'a fait pleurer. Et Allah est plus au courant de cela. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril. Lorsque Jibril est revenu vers Allah, Allah lui a dit, retourne voir Mohammed. Retourne voir Mohammed. Et dis-lui, tu seras satisfait de ce qui arrivera à ta communauté. Tu seras satisfait de ce qui arrivera à ta communauté et tu ne seras point déçu. Ne voyez-vous pas, oh cher serviteur d'Allah, la motivation qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sauver sa communauté du feu d'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque prophète a une invocation qui a accepté et exaucé chez Allah. Tous les prophètes l'ont utilisé, sauf moi. Je l'ai gardé pour le jugement dernier, afin d'intercéder pour ma communauté. Et elle sera effective, si je veux, pour toute personne de ma communauté qui sera morte sans avoir associé quoi que ce soit à moi. Celui qui a la foi la plus complète est celui qui a le plus aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, faites les compagnons. Voici Abu Bakr radiallahu anhu qui sort en pleine nuit à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À une heure où on ne sort pas, à une heure où on ne rencontre pas des gens dans la rue. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui t'a fait sortir Abu Bakr? Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit, je suis sorti pour rencontrer le message d'Allah, pour contempler son visage et le saluer. Et le saluer. Abu Bakr pendant l'égypte, il marchait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était son compagnon. Il marchait tantôt devant lui et tantôt derrière lui. Il a réitéré cela plusieurs fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné de cela. Il a dit, qu'est-ce que tu fais, Abu Bakr? Alors Abu Bakr lui a dit, radiallahu anhu, au message d'Allah, lorsque je me rappelle, l'ennemi à nos pousses, je me mets derrière. Et lorsque je me rappelle les nuisances du chemin, alors je me mets devant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Abu Bakr, mais si ici nous arrive une chose, tu veux que cela te touche moi? Il lui a dit, certes, au message d'Allah. Car si je meurs, si je perds la vie, je partirai seul. Mais si tu meurs toi, tu portes le message de l'islam. Tu portes le message de l'islam. Il était donc prêt à mourir pour que vive le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les compagnons à dépenser leur argent pour Allah, Abu Bakr est venu avec l'ensemble de son argent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, t'as dû vous laisser à ta famille. Il leur a dit, je leur ai laissé Allah et son message. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'on lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il ne l'a pas. Il n'a pas supporté d'entendre l'annonce du décès de son dernier. Il a donc dit, celui que j'entends dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, je le tuerai avec moi. Il a dit cela à ses compagnons, tellement cette nouvelle était dure et affligeante. Alors lorsqu'Abu Bakr est venu et a réitéré cette information, il a affirmé et l'a appuyé, Omar a eu la certitude alors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, alors mes gens ne me supportaient plus jusqu'on les a. Ensuite, il s'est mis à pleurer, radiallahu anhu. Lorsque Omar était sur le point de mourir, radiallahu anhu, il a envoyé Abdullah, son fils, aller voir Aïcha, radiallahu anhu. Et il lui a dit, demande la permission afin que je sois enterré à côté du prophète, radiallahu anhu. Il a voulu vivre aux côtés du prophète, radiallahu anhu, de son vivant, et rester avec lui dans sa tombe. Rester auprès de lui, même dans sa tombe. Et voici Bilal, radiallahu anhu, celui qui faisait l'appel à la prière du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort rêves après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les seigneurs arrivent. Au moment de mourir, ou bien avant cela, ensuite, un jour il est revenu pour visiter les compagnons après un long moment. Lorsque l'heure de la prière est venue, le calife lui a dit fais l'adhan. Lève-toi et fais l'appel à la prière. Alors Bilal s'est levé. Il a commencé à faire l'appel à la prière. Arrivé à la parole, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il n'a pas réussi à prononcer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis à pleurer et l'ensemble des compagnons ont pleuré avec lui. Et celui qui pleurait le plus était Omar radiallahu anhu. Et lorsque la mort s'est présentée à Bilal, son épouse s'est mise à pleurer. Et il lui a dit ne pleure pas. Il lui a dit ne pleure pas et ensuite il a dit un poème dont le sens rapproché est demain, je rencontrerai les bien-aimés, Mohammed et ses compagnons. Il était content de mourir pour revoir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les enfants, Ali radiallahu anhu, écoutez comme combien il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les Kuffar Quraysh se sont réunis pour venir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à sa place dans son lit. Il s'est mis à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a risqué sa vie. Rabi'a, un enfant de 10 ans qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ramené de l'eau pour faire ses besoins et faire ses ablutions. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, demande, qu'est-ce que tu aimerais? Alors il lui a dit, je demande à être avec toi au paradis. Je demande à être avec toi au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que veux-tu d'autre que cela? Que veux-tu d'autre? Il lui a dit, je veux que ce être avec toi au paradis. Parmi les femmes, Oumou Sulaym radiallahu anha, elle est sortie à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Abu Talha, le mari de Oumou Sulaym radiallahu anha. Abu Talha s'est retourné avec Oumou Sulaym avec une dague ou bien une épée. Il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu fais à Oumou Sulaym? Elle a répondu, Wallahi ya Rasulallah, si une personne parmi les mécrans s'approche de toi, alors je le tuerai avec cela. Une femme qui a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sorte. Une autre femme comme nous rapporte Ibn Ishaq, le hadith de Saïd ibn Abi Waqqas. Après, ça c'était avant la bataille. Après la bataille, écoutez l'histoire de cette femme. Après la bataille, les compagnons sont venus la voir. Et elle a demandé où est mon père? Ils lui ont dit il est mort. Où est mon père? Il est mort. Marche, Inch'Allah. Où est mon mari? Il est mort. Ou bien, je me corrige. Lorsqu'ils sont venus la voir, ils lui ont dit ton père est mort. Ton frère est mort. Ton mari est mort. Savez-vous ce qu'elle a répondu? Imaginez-vous à sa place. Savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle a répondu, qu'en est-il du messager d'Allah? Qu'en est-il du messager d'Allah? Ils lui ont dit, il va bien. Elle a dit, non, je veux le voir. Montrez-le-moi. Alors ils lui ont montré du doigt et lui ont dit, voilà le messager. Alors elle a dit, tout mal après cela est du facile à suivre. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bien, c'est ce qui compte. Voici comment elle a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les histoires sont nombreuses et nombreuses. Nous n'avons pas le temps d'en citer d'autres. Ou bien on finira avec Tamara, Mahabbat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. أن تكون معه في الجنة وفي الدنيا أن تذوق حلاوة الإيمان وواسطي دو بيان دمي القبة صلى الله عليه وسلم لقمي بيان فيه تنصبه دو قوتي او ديز لا فوا دو قوتي او ديز لا فوا آنس بن مالك نتي قوتي او ديز لا فوا celui qui a mis Allah et son messager au-dessus jusqu'à la fin dans l'au-delà. Quel est le meilleur bien? Après la vision d'Allah, Azza wa Jal, Anas ibn Malik nous dit qu'un bidon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ô messager d'Allah, apprends-leur. La fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu donc préparé pour ce jour? Il lui a dit, je n'ai pas préparé grand-chose. Je n'ai pas préparé beaucoup de prières sur le rogatoire, ni de jeûne sur le rogatoire, si ce n'est que j'aime Allah, son message. Et ça, Allahu alayhi, mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Nous n'avons pas assez de bonnes actions. Mais ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbuna. Wa huwa ilahuna al-haq. Et nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque ce bénin lui a dit, j'aime Allah et son messager, il lui a dit, al-mar'u ma'a al-ahad. L'homme est avec celui qu'il a aimé. Anas ibn Malik radiallahu anhu, wallahi, après l'islam, nous ne nous sommes pas réjouis d'une chose, d'une bonne nouvelle, comme ce jour-là. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis l'islam. Ensuite, il a dit, et moi, j'aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aime Abba Bakr et Omar. Et j'espère être ressuscité avec eux, même si je n'ai pas les mêmes versions. Et nous nous disons, نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة ونسأل الله تبارك وتعالى أن نحشر أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل مثلهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك من في من استهزى برسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنك قوي عزيز والحمد لله رب العالمين.